À quoi sert l'argent s'il est détaché de la vie? Pour Groupama, un placement doit avant tout tenir compte de vos choix de vie. C'est pourquoi nous commençons toujours par comprendre vos projets, les évaluer avant de vous proposer des produits d'épargne parmi les plus performantes. S'assurer les uns les autres, c'est prendre en compte la vie de chacun. On s'assure les uns les autres. Bonjour, ici Samy. Je voudrais te parler de Samsung SCH 2500, qui comporte plusieurs fonctions géniales que tu peux programmer en espace de quelques minutes. Examinons les ensembles, étape par étape. Tout d'abord, répondre à un appel ne pourrait pas être plus simple.